qu'est-ce qu'on doit faire maintenant là? Carole. Carole, bien sûr. Carole. Oui. Alors, tu veux chauffer Gérard? Déjà, Gérard, bon anniversaire. Merci. Hein? Non, je ne vais pas chauffer, je vais juste demander s'il pratique la sodomie. Bah, on vient d'en parler. Hein, là, oui, j'ai entendu. Avec Sandy, bien sûr. Ouais. Et c'est bien? Bah, ouais. Ouais. Et ça fait quoi? Bah, moi, c'est pas moi qui prends le plaisir, c'est elle. Hein. On pourrait peut-être t'appeler Sandy? Bah, ouais. Et toi, tu prends pas le plaisir? Bah, si, moi, ça me dérange pas. Hein. Mais ça te fait plus de bien par le cul ou par le. Bah, non, c'est à elle que je le fais, c'est pas moi qui le pratique. Ouais, mais toi, ça te fait quoi? Bah, moi, ça y fait du bien, moi, ça me fait du bien aussi. Ah, hein, tu t'autocules pas, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Bah, mais attends, on va l'appeler, la miss, là. Bah, ouais, d'accord. C'est elle qui te demande ou c'est toi qui te gourde de trou ou... Non, c'est les deux. C'est deux. Oh, merde. Oh, Sandy. Tu laisses ta messagerie tomber, là, on t'appelle. Elle est toujours en messagerie. Ah, si elle décroche pas, qu'elle allait se faire enculer, hein. elle est peut-être en train de bosser. Ouais, mais en plein taf, là. Des fois, tu te trompes de trou. Ouais, ça m'arrive. Sandy. Ah, c'était messagerie encore. Eh oui, messagerie encore. Mais t'as pas l'autre. Quel autre? Bon, envoie un stylo, là. Je vais te donner l'autre, parce que... Ça, qu'il vous fait perdre du temps, les gars. Oh là là. Bon, Gégé, ça m'avait dans quel trou? Attends, il est en train de nous donner un autre numéro de téléphone. Ça va, ma petite Carole? Ça va. Ça va? T'as pratiqué d'ailleurs pendant le week-end? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais. Heureuse? Ouais. Très bien. Comment? Tout le soleil en plus. Alors, c'est bon, là. Ici, pas de blabla, rien que des nanas. Et tout ça en direct. Ah, d'accord. Pour en avoir le cœur net, appuie tout de suite sur la touche étoile. Vas-y. De ton téléphone. Donc, on appelle Sandy, elle doit être au boulot. Apparemment, j'ai un numéro du boulot. Besoin de savoir si tu es un homme ou une femme. Tu es une femme. Ben, fais le numéro, espèce d'andouille. Tu es un homme. Tape. Attends, un chien, tape froid. Donc, on essaie d'appeler Sandy qui est au boulot. Après le signal sonore. Sandy. Si c'est exact, tape 1. Ah là. Donc, ça va être chaud, là. Hein. Tu souhaites signaler ton arrivée en enregistrant un message de présentation, tape 1. Sinon, c'est chaud pour la meuf. Tape 1, vas-y. T'es la reine de la Sandy, la reine de la sodo. Allez. Bien. Maintenant, si tu souhaites signaler ton arrivée en enregistrant un message. Elle est pas là, Sandy, là, Gérard. Tu es sympa, là. Mais un message à tout le monde, tape 1. Putain, mais il est con, ce Manu. Uniquement aux hommes, tape 2. Uniquement aux femmes, tape 3. Qu'est-ce que tu fous, là? On peut pas appeler Sandy, là? Moi, je galère pas, là. De présentation. Termine en appuyant sur étoile. T'as le pain de ta femme, hein? Bon, laisse tomber, on fera ça, ouais. Bon, on essaye une fois. Allez. Mais fais le numéro, là. Merde. J'y ai, le direct. Le direct. Qu'est-ce que c'est, ce bon? Je vais envoyer un message. Laisse tomber, les gars. Donne avec Charles, là. Mais non, mais tu l'as, son numéro. Elle est avec Charles. Oh là. Mais non, il s'est planté. Bon. Bon, Carole. Elle s'est planté de trou. Malheureusement, on va pas avoir le temps, là, les gars. Oui, un peu tard, hein. Même sur l'autre. Allez, Sandy. Là, putain, qu'est-ce que vous... Elle est pas solo. Sandy, tu me branches ton portable, s'il te plaît. Alors, tu te manges le cul, là, sinon je m'occupe de toi après. Ah bah, c'est ça va le faire. De qui tu vas la On va essayer de la rappeler, là, voir. Oh, là, allez. Tu es sous, là. Allez, là. Non, il est sous. En dessous, on peut pas. Elle n'est pas là, ta femme, on peut en appeler une autre. On peut appeler Kiloutou, non? C'est pas ouvert toute la nuit. Ouais, il y a des bonbonnes à faire. Salut, c'est Sandy. Oh putain, t'es chiante, toi! Oh putain! Je le fais exprès, cette conne! Reste poli avec celle qui t'emmerde, toi, connard! Voilà! Bon, Sandy, tu vas te faire enculer tout à l'heure quand je vais rentrer. Allez, tu vas te faire enculer, toi, quand tu vas rentrer. Attends, pas le cul. Bon, Carole. Oui. Je vais te repasser Gérard, comme ça, en rentrée, vous allez pouvoir parler de sodomie. Ouais. Et puis nous, on te souhaite une bonne sodomie de fin de nuit. Ouais, pour ce soir. D'accord, ok, écoute. C'est sans téléphone, mais c'est tout. D'accord, ok, très bien. Je te souhaite une bonne nuit. D'accord. Merci, Carole. Bonjour. Bon, Gérard, on n'a pas eu le temps de parler avec Sandy de sodomie. Bah, ouais. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. D'accord. On va la faire tout à l'heure. Très bien.